cocaïne et crustacés, je vois le sable se lever, les yeux comme des huîtres, le monde entier est une vitre, avoir pourtant quelque chose, je t'offre mon âme comme des roses, que tu cueilles en mauvaise herbe, coquelicot pourri, dont tu es la cause. Sauvage que je te dédie, une salle russe comme les fleurs de Russie, et pour qui sont morts les Russes, fous bâtisseurs de vieilles chapelles en mitouflées. Cocaïne et cristallée, la pute papoteau et mon poteau, et Tony Fomblard chante les affres des moules.